Je vois rouge, mais pas le rouge. Tu vois le communiste, non, rien que je communique. Ce qui me tracasse comme une liste, où je délaisse avec lust les stigmates de mon être. Je taffe dans mon antre pour voir un autre monde naître, où les richesses de la terre n'appartiennent pas qu'à une minorité, où la quête du bonheur est une priorité. L'humanité est à l'humain à l'unanimité. Allume le minitel, ton rôle émane de l'intimité. Ne joue pas les intimités, ce monde détient ses limités. Crois pas tout ce que dit Mickey, ou bien tu seras vite niqué. Il faut crarer, mais le système qu'un rit à la bouche carrée. De ces conneries, c'est aguerri, mais rira bien qui périra le dernier. Je lâche un rap carré qui guérit les mots. Pose ma démo sous la marée à 20 000 lieues comme Nemo. Toujours un peu rancunier envers la terre d'Elvis. Depuis qu'ils ont prouvé l'adage qui dit tel père, tel fils. Ils veulent la paix sur les dunes, le tout sans perdre trop de mise. Pour ça promettre la lune à la terre promise. On parie sur demain comme on parie sur une course. Et Barack Obama tient le monde par les bourses. C'est marche ou crève, la jambe fixée à l'étau. Ton futur se reflétant dans l'acier métaux de Soweto. À nos ghettos, combien n'ont rien la vie mise sous veto. Le monde est à ceux dont l'actionnaire se lève tôt. Naître, grandir, être, mourir, aimer, souffrir, peiner, sourire. Perso de nos vies, héros de nos vies, tombeau de nos vies. Le ciel, la mer, la paix, la guerre. Que j'ai de mer, éden, enfer. Perso de nos fils, héros de nos fils, tombeau de nos vies. Il est vital pour le monde de mondialiser l'Amazonie. Dans ce cas faut en faire autant, n'en déplaise aux États-Unis. Avec l'arsenal nucléaire de toutes les grandes puissances. Puisqu'en temps de guerre c'est clair, elle génère tant de nuisances. Et pourquoi pas mondialiser les réserves de pétrole. Protéger ou pomper le sol en chemin l'homme, c'est trop drôle. Il propose d'effacer la dette à ceux qui mondialisent la flore. Alors c'est plus dans Ralph Lauren, Ralph Lauren et Ralph Lauren. Tous les continents sur terre résonnent au chant du Darfour. Pas loin de voir un Charles Leclerc surgir à chaque carrefour. Où chaque discours d'état a des odeurs de Camorra. Tombe nos droits et fleurissent les caméras. Mec, j'suis pas là pour te saouler ni pour jouer les profs d'histoire. Mais j'aurai pas pour rêve d'un soir ni pour serrer les meufs de stars. J'aime les rimes conscientes et les passes qui percutent sur faune percu. Un aperçu qui fait l'effet d'un uppercut. Trop affaire à te plaire, mais par derrière pas de fer. Je mets affaire même s'il s'avère que le rap est un bras de fer. Alors je m'exprime par ta baffe, les baffes, le rap de par tabac. Mon art tabasse, ils viennent à bloc mais ils repartent à plat. Trop d'MC photocopie, ils veulent voir leur psychotope. En cas d'échec c'est ni la photopsie ni au psychotrope. Bref, trêve de bref, Monique revient, les chicots acérés. Gravé dans la braise et laisse les ticots lacérés. Naître, grandir, être, mourir, aimer, souffrir, peiner, sourire. Perso de nos vies, héros de nos vies, tombeau de nos vies. Le ciel, la mer, la paix, la guerre. Que j'ai de mer, éden, enfer. Perso de nos vies, héros de nos vies, tombeau de nos vies.